l'obscurité nous dit la profondeur, nous sa lueur arrive et nous effleure. Soif et d'espérance d'une harmonie si douce à son errance.